by Kilimil. Haha. Billy Camden. Il faut l'étoile. Ok. J'ai vu kicker l'instru du Spike et la Mila. Les MC jouent le rock, moi qu'un shoot dans le Mila. Quand je fais ça, c'est toujours avec le style. J'suis comme un ouragan, j'arrive, nique tout et puis je file. Les salopes, j'viens leur apprendre à se taire. Fais le mariage, je t'enverrai six pieds sous terre. Nos Monopoly, ils jouaient avec des vrais billets. Alexandre Paris, mon polyte, mes mères, je mérite de briller. En fait, quand on se voit, arrête de m'apaiser, moi. J'suis pas ton frère, ni ton zinc et encore moins ton jumeau. Si le rap c'est la drague, alors appelez-moi Itch. J'sors que des hits, ma voix fait mouiller les chats des bitches. More money, always on my mind. What do you want, boy, that's it, it's mine. À mes côtés, les girls check, c'est moi le money maker. Tu sais qui se pas test, tous mes niggas. J'suis un blanc, noir, le contre d'un kinder surprise. J'suis un Boeing pour atterrir, y'a même pas de fils. Toi tu fais pas ta tesson à deux balles. Alors que moi, j'suis aussi classique que mes fans. Sont mes wheels, alors ça veut nous copier. Comme la fouine, dis-moi juste qui pourrait me stopper, hein. Personne s'est lancé dans la vue d'Ariane. Ma mixtape va atterrir tout droit dans vos annales. Au speed alors j'continue mon couplet à la place du refrain. J'suis tellement magique, rappelez-moi Merlin. Le concept tu le connais, ça s'appelle One Beat. Quand j'lâche un putain de flow, les MC sur eux-mêmes se pissent. Dans ce milieu, j'veux pas de bise, j'aime la guerre. J'veux du lourd, pas des mongols qui savent dire que ta mère. Trop de style, trop de flow, trop de trucs à faire. Trop de faux rappeurs, donc trop de bouffons dans les affaires. J'représente ça du nord jusqu'au sud, ça. Billy Camden représente Marissa. J'te nique dans le rap, tu l'as remarqué bien sûr. Tu viens te prendre dans la gueule à 20 mesures. One beat, one flow, appelle-moi l'étoile. Dis-moi juste ici c'est quoi les bails. Et toi viens dans la tête quand tu veux pâter. J'm'aurais pas envie, tu pourrais même m'appeler la peste. One beat, one flow, appelle-moi l'étoile. Dis-moi juste ici c'est quoi les bails. Mais toi viens dans la tête que tu veux pâter. J'm'aurais pas envie, tu pourrais même m'appeler la peste. J'm'en bats de la France d'en bas, je présente la France d'ailleurs. J'suis en 2020, remettez vos pendules à l'heure. N'aie pas la haine, je rappe depuis 12 mois. T'es dans le game depuis 5 ans, c'est à cause de toi que ça bouge pas. Dans le rap luxe, appelle-moi le minot. Y'a que des bombes qui sortent de mon stylo. J'ai mis trop d'alamande, trop d'ala retête. Trop de vie, trop de biatch, ici on veut pas très. One beat, one flow, appelle-moi l'étoile. Dis-moi juste ici, c'est quoi les pailles. Mets-toi bien dans la tête que tu veux passer. J'm'aurais pas envie, tu pourrais même m'appeler la peste. One beat, one flow, appelle-moi l'étoile. Dis-moi juste ici, c'est quoi les pailles. Mets-toi bien dans la tête que tu peux passer. J'm'aurais pas envie, tu pourrais même m'appeler la peste.